Il a enchaîné tous ses hits à Lollapalooza Paris. Là, c'était samedi soir, c'était juste énorme. David Guetta, on l'écoute là avec Ay Paten dans les digits à la suite et Jungle Idemi aussi sur Energy. It's music only. Energy. It's gonna cause a scene.